إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أيها المسلمون، مضت الأيام وانقضت الساعات ورحل شهر رمضان، رحل شهر القرآن، رحل شهر الصيام والقيام، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يودعون هذا الشهر راجين قبول الأعمال. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان فيقول: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. نعم يا عباد الله، رحل شهر رمضان، لكن لم يرحل الرجال، الذين صدقوا مع الله. يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهم باقون على عهدهم مع الله تعالى، فاعلين بالطاعات، ملازمين للجماعات، يقرؤون كتاب رب البريات، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المسلم يجب عليه أن يتنبه أن عبادة الله عز وجل والمنافسة في طاعة الله والجد في القيام بما يرضيه لا يتوقف على شهر من الشهور أو أيام معدودة. فإن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عبادة الإنسان لا تنقضي، وإن انتهت أيامه المباركة ولياليه الفاضلة فإن أعمال تهي. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا يا عباد الله هو الموت، فالمسلم مطالب بالمداومة على طاعة الله عز وجل والاستمرار في عبادته سبحانه وتعالى إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي جدوا في عبادته سبحانه وتنافسوا في القيام بما يرضيه إلى أن تموتوا على ذلك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. سشي عباد الله، في الجوخ فاسد Et les heures se sont terminées, et le mois du Ramadan s'en est allé, le mois du Coran s'en est allé, le mois du jeûne et de la prière s'en est allé, et les compagnons radiallahu anhum faisaient leurs adieux à ce mois en espérant que leurs œuvres soient acceptées. Et il est rapporté que Ali radiallahu anhum appelait durant la dernière nuit du mois du Ramadan et il disait: qu'aurais-je voulu avoir connaissance de celui dont les œuvres sont acceptées afin que je le félicite? Et qu'aurais-je voulu avoir connaissance de celui qui est perdant afin que je lui fasse mes condoléances? Oui, ya ibad Allah, le mois du Ramadan s'en est allé. Le mois du Ramadan est bel et bien passé. Mais les hommes, eux, ne s'en vont pas avec lui. Les hommes ne s'en vont pas avec le mois du Ramadan. Les hommes qui sont sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, eux, restent même après le Ramadan. Et il ne part pas avec ce mois-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement avec Allah, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont restés sincères dans leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala après le mois du Ramadan, en accomplissant et en continuant à accomplir des bonnes œuvres, et en étant assidus aux prières en commun, et en continuant à lire le livre de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, des hommes qui ni le négoce, ni le troc, ne distraient de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'accomplissement de la prière, et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. Et ici, à Ibadallah, je m'interpelle, et je m'interroge au sujet de tous ceux qui habitent à côté, et qui étaient là pendant le mois du Ramadan, et qui étaient présents avec nous lors de la prière de Sobh, et lors de la prière de l'Isha, qui venaient faire le Tarawih avec nous. Je m'interroge, que faites-vous après le Ramadan? Où êtes-vous? Où êtes-vous passé, à Ibadallah? Est-ce que vous êtes conscient que le mois du Ramadan, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une mission d'intérim qui dure un mois? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle perdure jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est pour cette raison, ya ibadallah, qu'il est obligatoire pour le musulman de prendre garde. Car l'adoration d'Allah azza wa jal et la concurrence dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et les efforts dans l'accomplissement de ce qui satisfait notre Seigneur azza wa jal ne s'arrête pas à un seul mois parmi les mois de l'année ou à un nombre de jours limité, 29 ou 30 jours dans l'année. Non. Si le mois béni du mois du Ramadan, si le mois du Ramadan, eh bien, se termine, eh bien, l'adoration que doit la personne à son Seigneur, puisque c'est un devoir d'adorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, eh bien, cette adoration, elle doit perdurer. Elle doit perdurer, et si les journées et les nuits bénies du mois du Ramadan se terminent et se finissent, eh bien, les œuvres de bien, elles continuent à être appliquées et à être accomplies. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et ici, la certitude mentionnée dans ce verset, eh bien, c'est la mort. C'est la mort. Et il est demandé à l'être humain de perdurer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être assidu dans l'adoration jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle à lui. Et Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, et il interpelle les croyants, ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est-à-dire, faites des efforts, ya ibadallah, dans l'adoration de votre Seigneur. Et concurrencez-vous dans ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que vous mouriez sur cela. Et c'est pour cette raison, ya ibadallah, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Et après Ramadan, on voit, eh bien, beaucoup de laisser-aller et beaucoup de négligence. Les gens qui venaient à Sobh, par exemple, eh bien, ne viennent qu'une fois sur deux ou une fois sur trois. Certains ne viennent même plus et tu le reverras, eh bien, uniquement au Ramadan d'après. Et ça ne convient pas. Et c'est faire preuve de malhonnêteté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jalla nous réforme. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa radha Allahumma an khulafa'ihi ar-rashidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri as-sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bi judika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك ووفقنا للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.